إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله فإن هذه الحياة الدنيا مزرعة ولكن ثمرتها المرجوة إنما تجنى في الآخرة فمن زرع خيرا في دنياه حصد خيرا منه في آخرته ومن زرع شرا في دنياه حصد شرا منه في آخرته قال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره وهذه المزرعة لا تدري متى تكف يدك عن العمل فيها فالعاقل من اغتنم الفرصة وأخذ فيها بالجد وجد واجتهد أيها الإخوة إن طرق الخير كثيرة لا تعد ولا تحصى بفضل الله وبحمده فأعظم طرق الخير التوحيد وإخلاص الدين لله وحده والبراءة من الشرك وأهله فمن لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقي الله يشرك به شيئا دخل النار والعياذ بالله Serviteur d'Allah, sachez que cette vie d'ici-bas, c'est le champ dans lequel on cultive pour l'au-delà. C'est-à-dire que lorsqu'on sème quelque chose dans cette vie d'ici-bas en faisant du bien, eh bien on va en récolter les fruits dans l'au-delà. Donc celui qui sème du bien dans cette vie d'ici-bas, il va cueillir du bien dans l'au-delà. Et il va cueillir ce qui est meilleur encore. Tandis que celui qui sème du mal dans cette vie d'ici-bas, eh bien, il va recueillir ce qui est plus mauvais encore dans l'au-delà. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie dans le Coran, « Quiconque fait une atome de bien le verra, et quiconque fait une atome de mal le verra. » Et donc, ce champ dans lequel on travaille aujourd'hui, dans cette vie d'ici-bas, on ne sait pas quand est-ce que nos mains seront empêchées de continuer à travailler dedans. C'est-à-dire qu'on ne sait pas quand la mort va venir. Et on ne sait pas quand est-ce que le travail dans ce champ, dans lequel on sème, on ne sait pas quand est-ce que ça va terminer. Et donc la personne intelligente, c'est celle qui profite de cette occasion dans laquelle il a, dans cette vie d'ici-bas, le temps de faire le bien et qui fait des efforts et qui se force à faire du bien pour en avoir la plus grande récolte et la meilleure récolte dans l'au-delà. Très chers frères, serviteurs d'Allah, sachez que les voies et les moyens de faire le bien sont nombreux. Et on ne peut même pas les dénombrer et les énumérer tellement ils sont nombreux. Et ça, c'est une grâce de la part d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et par sa louange. Et donc, les meilleures, la plus grande et la plus importante parmi les voies du bien, c'est l'unicité d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et de vouer à Allah, subhanahu wa ta'ala, une religion et une adoration pure, uniquement pour lui, sans rien associer avec lui. Et de se désavouer de toute forme d'association, de toute forme de shirk, et de se désavouer de toutes les personnes qui peuvent commettre du shirk et pratiquer le shirk dans leur vie. Donc celui qui rencontrera Allah subhanahu wa ta'ala au jour de la résurrection, sans rien avoir associé avec lui comme partenaire dans l'adoration, eh bien il rentrera au paradis Et celui qui rencontre Allah subhanahu wa ta'ala en ayant commis du shirk ou en ayant associé quoi que ce soit avec Allah subhanahu wa ta'ala, il entrera dans l'enfer. Que Allah nous en préserve. ومن طرق الخير الصلوات الخمس والسنن والرواتب وقيام الليل والوتر والضحى والركعتان بعد الوضوء فحافظ على الفرائض فإنها فيصل بين الإيمان والكفر واستكثر من النوافل من نوافل الصلاة فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفع الله بك بها درجة إلا رفعك الله بها درجة ومن طرق الخير أداء الزكاة المفروضة في الأموال والتجارة وبهيمة الأنعام والزروع والثمار والتطوع لله بالصدقات المالية والعينية فإن الصدقة تطفئ غضب الرب وإن العبد في ظل صدقته يوم القيامة يوم يحشر الناس عراة والشمس فوق رؤوسهم مقدار ميل ولا ظل إلا لمن أظله الله بصالح عمله وفي الصدقة انشراح الصدر وبركة الرزق وشفاء الأسقام ومن طرق الخير الصيام المفروض كصيام رمضان وصيام النذر وصيام الكفارات ونوافل الصيام كثلاثة أيام من كل شهر والاثنين والخميس من كل أسبوع وصيام عاشوراء وعرفة وست من شوال من كل عام فإنه من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا وكل عمل صالح قد رتب ثوابه الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه لا يعلم نهاية جزائه وثوابه إلا الله سبحانه وتعالى. Serviteurs d'Allah, sachez que parmi les voies du bien et parmi les chemins qui amènent vers le bien, il y a le fait de faire la salat, les 5 prières obligatoires par jour, et de faire les actes surérogatoires parmi les salawat, c'est-à-dire les sunan qu'on fait en surplus. Et les rawatib, c'est-à-dire les prières qu'on fait avant et après les prières obligatoires. Wa qiyamul layl, c'est-à-dire de se lever la nuit pour prier à Allah subhanahu wa ta'ala. Wal witr, c'est-à-dire l'unité de prière. Lorsqu'on termine nos prières de la nuit, on la termine par une rak'a unique qu'on appelle al witr. Wa duha, c'est-à-dire les prières volontaires qu'on fait après le lever du soleil. Et qu'on peut faire jusqu'avant le dhuhr. Et également les 2 rak'a qu'on fait après avoir fait le wudu. Et il y a beaucoup d'autres exemples de sunan aussi qu'on peut faire, comme tahiyatul masjid, le salut de la mosquée lorsqu'on rentre, on doit faire rak'atayn avant de s'asseoir, et ainsi de suite. Donc, celui qui préserve les prières obligatoires et les prières surérogatoires, eh bien, c'est quelque chose de bien. C'est quelque chose de bien pour lui. Et s'il préserve les actes de prière obligatoires 5 fois par jour, eh bien ça c'est une distinction entre lui et la mécréance. C'est une distinction entre lui, entre sa foi et entre la mécréance. Parce que c'est un des signes distinctifs entre le croyant et le non-croyant. C'est les 5 prières obligatoires par jour. Et tu dois également faire des efforts pour faire les actes surérogatoires. Et celui qui se prosterne à Allah subhanahu wa ta'ala une seule prosternation, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala va l'élever en degré, hein, pour cette prosternation qu'il a fait à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tu te rabaisses devant Allah subhanahu wa ta'ala et comme récompense Allah subhanahu wa ta'ala t'élève. Tu te rabaisses pour Allah et Allah t'élève. Et parmi les voies du bien, il y a également de donner la zakat et de payer la zakat obligatoire sur l'argent et les biens, et sur le commerce, et sur le bétail, si tu possèdes du bétail, et sur les récoltes et les fruits. Et également, il y a le fait de donner de son argent volontairement, c'est-à-dire en dehors de la zakat, en faisant des actes de charité et d'aumône, et en donnant de son argent. Et lorsqu'on fait une sadaqa, eh bien, ça éteint le feu de la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et également, les actes de charité qu'on fait et la sadaqa qu'on donne, hein, dans notre argent, lorsqu'on fait une sadaqa, eh bien, ce sera un nombre ce sera une ombre au jour de la résurrection qui va nous couvrir, qui va nous protéger de la chaleur du soleil au jour de la résurrection. Puisqu'au jour de la résurrection, nous serons tous ressuscités, nus, hein, et incirconcis, comme on a été lorsqu'on est sorti du ventre de notre mère. Et donc, on va être tel que Allah nous a créé la première fois. Et on sera tous nus. Et le soleil sera par-dessus notre tête de la distance de Al-Mil. Hein? Et certains ulama ont dit Al-Mil, c'est-à-dire l'instrument avec lequel on met Al-Kuhl, hein? C'est-à-dire un petit bâton qu'on appelle Al-Mil. Et d'autres ulama ont dit Al-Mil, c'est-à-dire une mesure ou une distance qu'on utilisait à cette époque-là. Et donc le soleil, ça veut dire qu'il sera très très très rapproché de nos têtes. Hein? Et donc à ce moment-là, il n'y aura pas d'ombre, excepté pour celui que Allah subhanahu wa ta'ala aura couvert de son ombre. Et parmi les exemples de ceux qui seront couverts de cette ombre, c'est ceux qui auront fait des actes de charité et qui auront donné de leur argent en sadaqa. Et il y a également, dans le fait de donner en sadaqa, quelque chose du fait que Allah subhanahu wa ta'ala ouvre le cœur et la poitrine de celui qui le fait, et il met de la bénédiction dans son argent, et également il le guérit des maladies. Et parmi les voies du bien et les moyens et les choses du bien, les choses qui amènent vers le bien, il y a le fait de jeûner le mois du Ramadan, et également tous les autres jeûnes qui sont obligatoires aussi, comme le jeûne qui est relié à un vœu. Lorsque quelqu'un, par exemple, a fait un vœu pieux à Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il a dit, je vais faire tel jeûne si Allah subhanahu wa ta'ala exauce mon vœu. Et s'il me donne un enfant ou s'il me donne telle ou telle chose, eh bien, je vais jeûner pendant une semaine ou je vais jeûner pendant tel nombre de jours en récompense ou en rétribution à ce vœu-là. Et donc, lorsque ce vœu-là s'exauce, eh bien, c'est obligatoire pour lui maintenant de jeûner les jours qu'il avait promis de jeûner à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce qu'on appelle al-nadr, hein, siyam al-nadr. Et il y a également les jeûnes d'expiation, c'est-à-dire les jeûnes d'expiation pour un péché. Il y a certains péchés dans l'islam qui doivent être expiés, et leur expiation, c'est un nombre de jeûnes, de jours de jeûne qu'on doit faire. Il y a également les jeûnes surérogatoires, c'est-à-dire supplémentaires, qu'on peut faire également, comme les 3 jours du milieu du mois lunaire. 3 jours par mois. Il y a également le jeûne du lundi et du jeudi. Il y a également le jeûne qu'on peut faire qui est le jour de Ashura ou le jour de Arafat. Et également, on peut rajouter après le Ramadan les 6 jours de Shawwal. Tout ça sont des jours de jeûne surérogatoires qui ne sont pas obligatoires mais qui ont des grandes récompenses. Et celui qui jeûne un jour dans le chemin d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala va éloigner le feu de son visage 70 printemps, c'est-à-dire 70 ans. Et donc, toute bonne action que tu fais, hein, la récompense de ces bonnes actions que tu fais est multipliée par 10. En général, les actes que tu fais, elles sont multipliées par 10 par Allah subhanahu wa ta'ala dans leur récompense, excepté le jeûne. C'est-à-dire que le jeûne, seul Allah subhanahu wa ta'ala en connaît la récompense, et c'est seulement lui qui sait de combien de fois il sera multiplié. والصيام جنة من عذاب الله والصيام مدرسة وتدريب على تقوى الله والصيام سنة الصالحين من قبلنا فيا طالما أظمأوا هواجرهم في صيف حار ليردوا يوم العطش يوم حوض محمد على حوض محمد صلى الله عليه وسلم فيشربوا شربة لا يظمأون بعدها أبدا وليقال لهم يوم القيامة كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. Également, le jeûne qu'on fait est un bouclier contre le châtiment d'Allah. Et le jeûne est également une école pour nous, dans laquelle on s'entraîne à la piété et à craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Et le jeûne est également la voie et la manière des hommes pieux avant nous. Et donc, tant qu'ils sont restés assoiffés et que leur gorge est restée sèche durant l'été qui est chaud, pour repousser d'eux la soif au jour de la résurrection, lorsqu'ils seront devant le bassin ou la fontaine du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et qu'ils en boiront, c'est-à-dire qu'ils pourront boire de son bassin. Parce qu'on sait que chaque prophète, Allah subhanahu wa ta'ala lui donne un bassin au jour de la résurrection, et la umma de chaque prophète boira de ce bassin-là ou de cette fontaine. Et c'est une fontaine qui est de la longueur d'un mois et la largeur d'un mois. Et le contenant de ce bassin duquel on va boire, les verres duquel on va boire sont plus nombreux que les étoiles. Et sa couleur est plus blanche que le lait, et plus doux que et son goût est plus doux que le miel. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit au sujet de ce breuvage qu'on va boire au jour de la résurrection, que nul n'en boira, excepté qu'après cela il n'aura plus jamais soif. Et donc, ceux qui se sont abstenus de boire durant la journée pendant les jours de jeûne, eh bien, au jour de la résurrection, ils jouiront de boire de ce breuvage qu'on leur donnera au jour de la résurrection. Et on leur dira également au jour de la résurrection, buvez, mangez et buvez pour ce que vous avez laissé dans les jours passés dans la vie d'ici-bas, dans lesquels vous n'aviez pas mangé. ومن طرق الخير قصد البيت الحرام للحج وأشهره المعلومة وللعمرة في كل عام وللعمرة في كل العام والفريضة منهما مرة في العمر وما زاد بعد المرة فهو تطوع لأن إن العمرة من العمرة إلى العمرة كفارة بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة وإن المتابعة بينها أجر جزيل وثواب عظيم وسبب كبير لنفي الذنوب ونفي الفقر كما جاء في الحديث. Et également parmi les chemins du bien, il y a le fait de se diriger vers la maison sacrée d'Allah subhanahu wa ta'ala à la Mecque pour faire le hajj. Pendant les mois du hajj qui sont bien connus, et également de faire la umrah, qu'on peut faire n'importe quel moment de l'année. Et bien entendu, qu'est-ce qui est obligatoire de la umrah et du hajj? C'est de le faire au moins une fois dans sa vie. Et tout ce qu'on fait de plus, c'est-à-dire si on fait une hajj, un hajj ou une umrah en plus, eh bien ça c'est quelque chose qui est surérogatoire et qui est un surplus de bonnes actions qu'on fait. Et il faut savoir également qu'entre chaque umrah qu'on fait, il y a une expiation pour les péchés qu'on a fait entre les deux. Donc si tu fais une umrah, eh bien la prochaine umrah que tu vas faire, elle va effacer ce que tu as fait entre les deux. Et il y a pour le hajj qui est accepté par Allah subhanahu wa ta'ala et qui est fait selon les conditions de l'islam, eh bien il n'y a pas d'autre récompense pour ce hajj que le paradis. Al-hajj al-mabrur laysa lahu jaza'un illa al-jannah. Et donc si on complète entre ces actes surérogatoires, eh bien il y a pour nous une grande récompense et une cause pour effacer nos péchés et repousser la pauvreté. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an wa nafa'ani wa iyyakum bi hadyi sayyid al mursalin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwa al ghafur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، ومن طرق الخير وما أكثر طرق الخير شغل اللسان بذكر الله تعالى بقراءة القرآن وبتدبره وبالاستغفار الكثير والتسبيح والتهليل والتمحيد والتكبير فإنها من الباقيات الصالحات وبالأذكار المقيدة كأذكار الصباح والمساء وأدبار الصلوات وعند النوم وعند الاستيقاظ منه فإن ذكر الله من أجل الأعمال بل ما شرعت الشرائع العظام إلا لذكره سبحانه وتعالى، كما قال تعالى وأقم الصلاة لذكري. Également, serviteur d'Allah, parmi les voies du bien, et comme ils sont nombreux, il y a le fait de s'occuper la langue avec le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, en récitant le Coran et en réfléchissant sur sa signification et en demandant le pardon, en faisant al-istighfar, demander le pardon d'Allah, en disant astaghfirullah de nombreuses fois et en disant subhanallah, wa la ilaha illallah, walhamdulillah, wallahu akbar, et de dire ça constamment. Et également de faire toutes les différentes formes de rappel. Parce qu'il y a dans ça des choses de bien qui restent et qui demeurent avec nous. Et également de faire les différentes adhkar qui ont été mentionnées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la sunnah. Et il y a différentes adhkar. Et il y a des petits livres qui ont été écrits comme par exemple Hisnul Muslim. Et dans ces petits livres, il y a plusieurs adhkar que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait dans différentes occasions et à différents moments de la journée. Et dans ces adhkar, il y a bien entendu un bien pour nous et un rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il est bien à chacun d'entre nous de les apprendre, de savoir le dhikr. Qu'est-ce qu'on dit lorsqu'on sort de chez nous? Qu'est-ce qu'on dit lorsqu'on sort de la maison? Qu'est-ce qu'on dit lorsqu'on met ses vêtements? Qu'est-ce qu'on dit avant de rentrer à la mosquée? Qu'est-ce qu'on dit en sortant de la mosquée? Qu'est-ce qu'on dit lorsqu'il pleut? Qu'est-ce qu'on dit lorsqu'il y a du vent? Qu'est-ce qu'on dit? Il y a des adhkars que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseignés pour chaque moment de la journée, pour qu'on reste tout le temps et constamment en rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a même un rappel à dire avant d'avoir des rapports avec notre épouse. Il y a même un rappel à dire avant de rentrer dans les salles de bain. Il y a un rappel à dire à chaque moment de la journée et à chaque instant. Et donc c'est pour cette raison-là que c'est important d'apprendre ces adhkars pour justement profiter de la récompense et rester attaché à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et en même temps rester toujours dans le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala et ne jamais l'oublier. Et si on s'accroche à ces différents adhkars qui sont en accord avec la sunna, eh bien alhamdulillah on n'aura pas le temps de faire les différentes formes de dhikr innovées par les gens de bid'a, et comme par exemple les adhkars des soufia qui n'ont rien à voir avec l'islam et qui font des adhkars ou des dhikr avec de la musique ou avec des tambours ou avec des danses ou avec des mouvements. Et ça, c'est des formes de dhikr qui n'ont rien à voir avec la religion de l'islam et que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et les sahaba n'ont jamais pratiqué. Et donc ces adhkars, elles sont bonnes pour la poubelle si elles ne viennent pas du Coran et de la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et sachez que les rappels d'Allah sont parmi les plus grandes formes d'adoration qui ont été légiférées par l'islam. Et même que la salat qu'on fait, quand on prie 5 fois par jour, eh bien ça c'est uniquement pour le rappel d'Allah aussi. Puisque Allah subhanahu wa ta'ala dit, établis la salat pour mon rappel. Aqimis salata li dhikri. Wa min turuqil khayri. Birru al-walidayni bi khidmatihim wa l'ihsani ilayhim. Wa anatul kalami bi mukhatabatihim. Wa qada'u hawa'ijihim. وتعاهدهم بالزيارة والاتصال لمن كان بعيدا عنهم وبالدعاء لهم أحياء وأمواتا وبصلة أصدقائهم وأهل مودتهم بعد موتهم فإن حق الوالدين عظيم يأتي بعد الله عليك ومن طرق الخير صلة الرحم من الإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات ثم أدناك أدناك فإن صلة الرحم بركة في الرزق وفي العمر وصلة الرحم سبب عظيم لرحمة الله ومن وصلها وصله الله ومن قطعها قطعه الله ومن طرق الخير الزراعة فإنك لن تزرع شيئا فيأكل منه إنسان أو حيوان أو طائر إلا كتب الله لك به صدقة ولا يسرك منه قليل ولا كثير إلا كتب لك به صدقة كما في الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم ومن طرق الخير وقف الأوقاف وتسبيلها فإنها الصدقة الجارية كبناء المساجد وحفر الآبار وبناء العقارات ووقف ريعها على الذرية أو على طلبة العلم الموحدين أو طباعة كتب العلم والسنة أو على الفقراء والضعفاء، فإنه ما زال هذا الوقف قائما مثمرا، فأجره باق مستمر. وقلما كان أحد من الصحابة عنده قدرة إلا أوقف وقفا لحرصهم على الخير واستمرار أجورهم بعد موتهم رحمهم الله ورضي عنهم. Serviteur d'Allah, sachez que parmi les voies du bien et le chemin du bien, il y a la bonté envers les parents et le fait de les servir et d'être bon envers eux et de leur parler avec douceur lorsqu'on s'adresse à eux et de remplir leurs besoins lorsqu'ils ont un besoin quelconque et de s'engager à les visiter ou à les contacter par téléphone ou par un autre moyen quelconque lorsqu'on habite loin d'eux, et de faire des invocations pour eux, pour le bien, durant leur vie ou après leur mort, et également de continuer de visiter leurs amis après leur mort, parce que le droit de nos parents est grand, et il vient directement après le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala sur nous. Et parmi les voies du bien, il y a également le fait de garder les liens de parenté avec nos frères et nos sœurs, avec nos oncles et nos tantes maternelles et paternelles, et ainsi de suite dans la famille. Parce que le fait de garder les liens de parenté, il y a en cela une miséricorde de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui garde les liens de parenté, Allah subhanahu wa ta'ala le garde. Tandis que celui qui coupe ses liens de parenté, Allah subhanahu wa ta'ala le coupe. Et parmi les voies du bien, et parmi les chemins du bien, il y a le fait de planter des arbres, de cultiver des fruits que les gens vont manger, ainsi que les animaux et les oiseaux. Et à chaque fois qu'un homme ou un animal ou un oiseau en mange, eh bien il te sera écrit une aumône, une sadaqa. Et également, même lorsque quelqu'un en vole, que ce soit s'il vole une grande quantité ou une petite quantité, eh bien tu auras une sadaqa pour chaque chose qui t'a été volée de ce fruit ou de ce bien. Et parmi les voies du bien, il y a également qu'est-ce qu'on appelle en arabe al-awqaf, c'est-à-dire le waqf, c'est-à-dire le fait de, par exemple, construire des mosquées, construire des puits, construire des habitations ou des commerces dont on réserve le revenu pour des actes de charité ou pour des œuvres charitables. Et donc, lorsque quelqu'un a dépensé de son argent et qu'il l'a donné en waqf, que ce soit une propriété ou un commerce, ou il a donné de l'argent pour construire une mosquée ou un puits ou quelque chose qui va rester longtemps après lui, eh bien il continuera même après sa mort à recevoir des récompenses pour tout ce qu'il aura dépensé dans ses voies du bien. Et qu'est-ce qu'on appelle al-awqaf? Que ce soit par la suite de l'argent qui sera redistribué, des profits de ce commerce qu'il a laissé pour les pauvres, pour les étudiants, pour les gens qui sont faibles ou les gens qui en ont besoin. Eh bien, c'est quelque chose qui va durer et dont les fruits vont continuer à sortir jusqu'à, même après sa mort. As-sadaqatul jariya, c'est une sadaqa qui reste et qui dure après lui. Et les sahaba faisaient beaucoup d'efforts justement pour faire en sorte d'avoir ce genre de awqaf, pour que justement leurs efforts et leurs récompenses continuent même après leur mort. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين. Avant de terminer cette khutba et de descendre de ce minbar, je voudrais juste remercier tous ceux qui ont fait un effort pour que cette mosquée soit terminée. Et alhamdulillah, on a eu de l'aide de la part de certains frères qui ont donné pour qu'il y ait un tapis neuf qui va être installé